France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Grand révolutionnaire et impeccable humaniste, de la guillotine, à laquelle il a donné son nom, sans en être le concepteur, mais seulement, si l'on peut dire, le promoteur, le docteur Joseph Ignace Guillotin disait qu'elle était la tâche involontaire de sa vie. Cela partait pourtant d'un bon sentiment. « Que la mort soit douce », avait dit Marat. Comme nous l'entendrons rappeler dans l'émission qui va suivre, c'est bien dans un souci humanitaire et égalitaire que fut conçue et adoptée cette machine à décapiter que nous avons si longtemps tardé à mettre au rancard. Tuer sans faire souffrir, en principe et en un clin d'œil, éviter à la foule l'horreur ou la jouissance de spectacles pénibles et mettre tous les citoyens à égalité devant l'exécution de la sentence. Comme le déclinait Fernandel dans Le Schpunz, tout condamné à mort aura la tête tranchée et dorénavant tranchée pour chacun par la même mécanique. En 1994, dans Les chemins de la connaissance, l'historien de l'art Daniel Arras était invité par Catherine Soulard à raconter la guillotine, à en exposer la symbolique dans le premier volet d'une série consacrée à l'histoire de la veuve, de la terreur à l'abolition en 1981. Un premier volet qui rappelait d'ailleurs que les Français n'avaient fait que perfectionner cette machine qui existait depuis longtemps en Europe et aussi que Robespierre fut un opposant convaincu à la peine de mort. Les chemins de la connaissance, la guillotine, de la terreur à l'abolition, Daniel Arras au micro de Catherine Soulard dans le premier numéro d'une série en 5 temps. Une émission diffusée la première fois le 18 juillet 1994 sur France Culture. La grande machine, la petite chatière. La veuve, l'étendard de la tyrannie. Le glaive de la liberté, l'abbaye de Mont-à-Regret. Le rasoir national, la bascule. La cravate à capet, la mer coupe toujours, les bois de justice. On n'en finirait pas d'énumérer les termes qui se sont appliqués à désigner ou à dissimuler la guillotine depuis que l'article 3 du Code pénal de 1791 déclarait le 3 juin « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». La machine fut mise en place dans un but humanitaire et civilisateur. En supprimant les supplices et les tortures de l'époque, elle devait prodiguer aux condamnés une mort rapide, indolore, douce. Et surtout, la peine de mort devenait égalitaire, mécanique et égalitaire. La guillotine entrait dans les mœurs, bouleversant alors sans le savoir encore bien plus que les mœurs pénales, générant un malaise qui masquait un temps pris de plus en plus d'importance. On s'interrogea sur le moment réel de la mort et de la perte de conscience, sur les rapports entre le corps et l'âme. On chercha à raccourcir, à dilater l'instant monstrueux, cette précipitation accélérée. On chercha à savoir, à voir. On vit, on s'enthousiasma, on frémit, on trembla. On raconta des histoires au pied de l'échafaud et le soir dans les cabarets. Et puis, il y eut la mort du roi, le 21 janvier 1793. Le sacrifice devait être fondateur. Le sang du roi donnait naissance au peuple. La terreur, la grande messe rouge, allait alors vite se saisir de cette fille des Lumières et lui donner d'autres perspectives. La guillotine devint machine de gouvernement, produisant la mort mécanique et en série. Il fallait, proclamer Robespierre, régénérer le corps de la nation, l'assainir. Il fallait fonder la République, inventer la démocratie. L'échafaud se fit théâtral, la mise en scène spectaculaire. Avec la chute de Robespierre, le 27 juillet 1794, la guillotine allait pouvoir sinon se taire, du moins devenir moins visiblement obscène. On commença à la cacher, on eut honte. Mais il fallut attendre 1939 pour que les exécutions ne soient plus publiques. Il fallut attendre le 18 septembre 1981 pour que la peine de mort soit abolie en France. Cette nuit, j'ai vu se dresser à nouveau la machine. C'était à la proue comme une porte ouverte sur le vaste ciel. la porte sans battant, était dressée à la proue, réduite au linteau et au jambage. Avec son équerre, son demi-fronton inversé, son noir triangle au biseau acéré et froid, suspendu au montant. L'armature était là, nue et lisse, à nouveau suspendue sur le sommeil des hommes, comme une présence, un avertissement qui nous concernait tous également. Ici, la porte était seule, face à la nuit, au-dessus du mascaron tutélaire, éclairée par les reflets de son tranchant en diagonale, avec le bâti en bois qui devenait l'encadrement d'un panorama d'astres. Alejo Carpentier. Daniel Arras, vous êtes historien d'art, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié en 1987 chez Flammarion « La guillotine et l'imaginaire de la terreur ». Et la même année, à l'Institut français de Florence, « La guillotine dans la Révolution ». C'est un recueil d'images et de gravures illustrant le parcours et la symbolique de la guillotine. Et alors, on se rend compte que, grâce aux documents que vous avez recueillis, la machine à décapiter existait en réalité bien avant la Révolution française et un peu partout en Europe. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. La machine, non seulement avait une tradition d'images européennes, que ce soit dans la peinture italienne, par exemple, déjà au XVe siècle, dans les gravures allemandes ou anglaises du XVIe siècle, et également qu'elle était utilisée, enfin qu'il y avait des machines à décapiter, qu'on appelait bien sûr pas la guillotine, en Italie on l'appelle la manaia, et à Édimbourg, et on a conservé au musée d'Édimbourg l'instrument, fabriqué en 1564, on l'appelle la jeune fille, the maiden, hein, c'est son surnom. Et c'est effectivement, pour moi en tout cas, une surprise, non pas de constater cette existence antérieure, puisque je la connaissais déjà plus ou moins, mais l'abondance de documentation concernant ces images. C'est bien que quand on arrive en France au XVIIIe siècle, on se rend compte que finalement, les Français, on va voir avec quelles difficultés, quelles hésitations, mais décident d'adopter un instrument qui était déjà bien connu à travers toute l'Europe et qui avait été utilisé antérieurement, encore une fois, en Italie, en Allemagne et en particulier en Angleterre. Et on verra, enfin là ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir comment dans les textes qui entoure la fabrication de la machine, eh bien, par exemple, le docteur Louis, le secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, quand il propose, vraiment, on lui demande de fabriquer, qu'il fait fabriquer cette machine, il fait explicitement référence à la machine anglaise. Ce que les Français ont beaucoup oublié, puisque finalement, il semblerait que tout le monde nous attribue la paternité de cette machine. Ben non, en fait, on a adopté, on a importé en France une machine déjà connue en Europe, et on l'a importée pour des raisons tout à fait humanitaires. Alors cette machine déjà connue en Europe, on en trouve des traces même dans des poèmes du XIIIe siècle, dans le Quattrocento italien. Vous montrez là des images de Jacques Callot, de Dürer, l'exécution de Thomas More. Oui, tout à fait. Enfin, elle était vraiment très célèbre déjà. Oui, alors il y avait en fait deux types de machines, hein, que j'appellerais maintenant la manaia, pour le terme italien. Il y avait la machine représentée par Mantegna, c'est quand même un des grands peintres du Quattrocento à Padoue, dans la chapelle des Eremitani, où le condamné étant allongé sur le sol, on posait sur son cou un couteau assez lourd, avec un morceau de bois par-dessus, et le bourreau, pour ne pas toucher le condamné, hein, eh bien, donnait une énorme coup de masse sur ce couteau. Et c'est un des premiers ancêtres d'une mise à distance, hein, entre la main du bourreau, un intermédiaire entre la main du bourreau et le cou du condamné, qui n'est pas seulement l'épée comme prolongement de la main du bourreau. Et la deuxième machine, qui est beaucoup plus proche alors de la guillotine telle qu'elle sera fabriquée en France, eh bien c'est une manaia également, où on suspend à 3 mètres au-dessus de la tête du condamné, qui d'ailleurs est à genoux, la tête posée sur le billot, eh bien entre deux montants de 3 mètres de haut à peu près, il y a un mouton, une masse de fer, alors non pas oblique mais horizontale, avec le couteau horizontal, et au moment où le confesseur donne le signe de l'exécution, eh bien le bourreau coupe la corde qui retient cette masse de bois et de fer qui tombe de 3 mètres et coupe la tête du condamné. Et là, cette manaïa-là, elle est vraiment très très proche de la guillotine, et c'est que fin du 15e siècle, et il y a des gravures attribuées à Cranach, et on voit la mort de Saint-Jacques, etc., avec ce type de machine. On est au plus près, vraiment, de la machine révolutionnaire. Et d'ailleurs, quand en 1789, Guillotin proposera de fabriquer une telle machine, la première image qui sera fabriquée pour illustrer la proposition, avant donc que les guillotines ne soient fabriquées, reprendra exactement les modèles des gravures allemandes du 16e siècle. Donc là, cette continuité, les images en démontrent l'existence bien mieux, si vous voulez, que tout autre discours. Article 1. Les délits du même genre seront punis par les mêmes genres de peines, quel que soit le rang et l'état du coupable. Article 6. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel sera décapité. Il le sera par l'effet d'une simple mécanique. Projet de loi du docteur Guillotin, proposé à l'Assemblée constituante en 1789. Alors, seconde révélation, le docteur Guillotin ne serait pas pour grand-chose dans la conception de la guillotine elle-même. Oui, à nouveau, c'est une chose que les spécialistes savaient déjà, et je me suis contenté de suivre de très près les étapes de cette fabrication. Donc en fait, Guillotin propose cette machine à décapiter, c'est le sixième article d'une proposition de loi qu'il fait le 1er décembre 89, donc très vite dans l'histoire même de la Révolution, et la machine à décapiter intervient dans l'article 6 de cette proposition de loi. Mais en fait, on adopte immédiatement les premiers et deuxièmes articles, l'article 6, eh bien, on attendra en fait beaucoup plus tard pour le discuter, puisque on va attendre jusqu'au mois de juin 91. Ça veut dire qu'il se passe un an et demi entre le moment où Guillotin propose cette machine à décapiter pour uniformiser les peines, etc. On y passera, j'imagine, tout à l'heure. Et il faut attendre un an et demi pour que finalement on s'y décide. Parce qu'entre les deux, il fallait faire quelque chose. Parce que même si on admet qu'il s'agit d'humaniser la peine capitale, il fallait tout de même poser le débat, l'Assemblée devait poser le débat, mais maintient-on ou non la peine de mort? Et tant qu'on n'a pas fait ce débat, mené ce débat à terme, eh bien, dans le fond, l'Assemblée hésite à décider tout de suite la fabrication d'une machine pour décapiter. Et en fait, la peine de mort, eh bien, le débat n'a lieu à l'Assemblée qu'à la fin du mois de mai 91. Et à ce moment-là, l'Assemblée décide, contre l'avis de Robespierre, de maintenir la peine de mort. Elle n'a pas été touchée par le trop sensible Robespierre, comme on dit en mai 91. Oui, parce que Robespierre s'était positionné pour l'abolition de la peine de mort. Pour l'abolition de la peine de mort, et il était frappé en particulier que la France soit en retard par rapport à la Russie, hein, où il dit le despotisme a supprimé la peine de mort. Et donc, malgré tout, et à cause en particulier du plaidoyer pour la peine de mort de l'abbé Maury, eh bien, la peine de mort est maintenue, et donc à ce moment-là, le 3 juin, donc alors très rapidement, hein, quelques jours après, on décide effectivement que la peine de mort sera appliquée pour tous les délits et tous les condamnés sous forme de décapitation, ce qui était en soi un progrès. C'était déjà un progrès parce qu'il ne faut pas oublier que sous l'Ancien Régime, la décapitation était réservée aux nobles, aux aristocrates, et que pour les autres, où il y avait la pendaison comme autre mort douce, mais il y avait, douce à dire indolore, immédiate et supposée indolore, mais pour les autres, il y avait des châtiments variants selon le type de délit, etc. Et il y avait la roue qui était terrible, on pratiquait encore la roue à Paris au XVIIIe siècle, rarement, mais on la pratiquait même, le bûcher pouvait encore être pratiqué. Donc l'écartèlement... Oui. Non, ça c'était très rare, attention, hein. C'était très rare parce que l'écartèlement, c'est le dernier exemple, c'est celui de Damien, bien sûr, hein, je crois que c'était en 57, et dont Foucault a montré, hein, dans Surveiller et punir, enfin il a bien indiqué l'horreur. Mais justement, si l'écartèlement de Damien a été particulièrement horrible, hein, si cette souffrance abominable, cette durée, le fait qu'on ne réussisse pas à l'écarteler, c'est parce qu'on n'avait plus écartelé en France depuis de très très nombreuses années, que le bourreau ne savait plus du tout comment en fait il fallait faire. Mais il y avait encore ces peines alors profondément archaïques, contre lesquelles la médecine et les philosophes du siècle des Lumières souhaitaient bien sûr qu'on adoucisse la mort. Voilà, qu'on adoucisse la mort. Et les plus éclairés souhaitaient qu'on abolisse la peine de mort. L'Assemblée n'a pas voulu, mais à ce moment-là, la décapitation devenait à la fois, il fallait faire monter effectivement la roture à la noblesse du billot, comme nous dit quelqu'un, et non pas faire descendre l'aristocratie à l'humilité de la potence. Il y avait ces phrases admirables sous la Révolution. Et on a choisi la décapitation parce que elle était supposée être d'abord une sorte de prestige lié à la peine, dit je ne sais plus qui à l'époque, et par ailleurs parce que la décapitation est supposée entraîner une mort immédiate, hein, dès que la tête est séparée du corps. Les peines doivent être rarement capitales. La vie est le seul bien de ce monde qui n'ait point d'équivalent. Ainsi, la justice veut que la peine de meurtre soit capitale. Mais le supplice ne doit jamais être cruel. Il doit être recherché du côté de l'ignominie. Même dans les cas les plus graves, liberticide, parricide, fratricide, assassinat d'un ami ou d'un bienfaiteur, on rendra affreux l'appareil du supplice, mais que la mort soit douce. Marat. Eh bien, on attend encore un certain temps, encore près de 6 mois, et on demande au bourreau de faire un rapport. Comment faire pour décapiter? Et c'est lui qui dit, ben, si on continue à utiliser l'épée, il y aura un problème. Parce que premièrement, il faut qu'elle soit d'excellente qualité. il faut qu'elle soit d'excellente qualité, et ça coûte cher. Et le bourreau l'a plaidé pour lui-même, puisqu'il avait la charge, l'entretien des voies de justice, parmi lesquelles, bien sûr, l'épée. Et puis ensuite, il dit, on n'est pas sûr que les condamnés soient tous aussi courageux les uns que les autres. Les roturiers ne seront pas forcément aussi courageux que les aristocrates, et les femmes risquent d'être beaucoup plus tremblantes que les hommes. Et donc, à ce moment-là, l'émotion du bourreau, ça fatigue, une mauvaise épée appliquée à un condamné, et la peine de mort était fréquemment appliquée au XVIIIe siècle, eh bien on risque d'avoir des scènes désagréables, dit Samson. Et donc, le rapport de Samson et du professionnel convainc l'Assemblée, et on décide à ce moment de revenir à la fabrication, à la proposition de Guillotin, la simple mécanique. On s'adresse à Guillotin, et Guillotin ne répond pas. Et il ne répond pas, on verra tout à l'heure pourquoi. Enfin, il préfère se tenir à l'écart, autant le dire tout de suite, parce que cette machine qui n'existait pas s'appelait déjà la guillotine. Bon, avant même d'exister, ça faisait 2 ans qu'on parlait de guillotine, déjà dans les chansons de Paris, etc. Et Guillotin ne veut pas, bien sûr, que son nom soit associé à cette machine. Donc, à ce moment-là, on s'adresse au secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, le professionnel le plus parfait, qui s'appelle Louis, le docteur Louis, comme le roi, et qui fait lui très rapidement un rapport motivé sur une proposition sur la fabrication de la machine, adoptée, essayée quelques mois plus tard, et inaugurée au mois d'avril 92. À ce moment, ça va très vite. À partir du moment où le décret d'application est pris, ça va très vite. Ça va pas si vite que ça, parce qu'il y a eu quand même plusieurs devis, dont des exorbitants, pour établir la machine. Et c'est finalement Tobias Schmidt, un Allemand, un facteur de piano, qui emporte le marché. Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment, on s'adresse, une fois qu'on a la proposition du docteur Louis, on s'adresse au menuisier des domaines, c'est-à-dire au responsable de ce genre de fabrication. Et il s'appelait Guidon. Et Guidon, sentant la bonne affaire, propose un devis, je crois, quelque chose plus de... Je vais vous dire le prix. 5660. Bravo. 5660, je ne sais plus quoi. Louis, qu'est-ce que c'était? Livres. 5660 livres. Alors que Schmidt arrive à 960 livres. Voilà. Et donc, bien sûr, immédiatement, on choisit Schmidt. Et facteur de piano, l'artiste, comme on l'appelle dans les textes de l'époque, et Schmidt fabrique rapidement cette guillotine, parce que derrière, il y a évidemment l'idée de faire une guillotine par département, et que Schmidt a bien compris qu'il fabriquait non pas une guillotine, mais 83 guillotines, et effectivement, il a réussi à emporter l'ensemble des contrats pour toutes les guillotines françaises. Quand Schmidt, ensuite, demande le brevet pour que son invention soit protégée, eh bien, on lui refuse le brevet. Et on lui refuse, non pas parce qu'en fait, c'est pas lui qui l'aurait inventé, mais le docteur Louis ou finalement les Anglais, etc. On lui refuse parce que, eh bien, ça répugne à l'humanité que d'accorder un brevet pour ce type d'invention, dit le texte de c'est Roederer, je crois, qui dit ça. Alors, ce qui est singulier, eh bien, comment se fait-il? Que s'est-il passé déjà, si vous voulez? Moi, c'était une des questions qui m'intéressait pour que, dès le début de la fabrication même de la guillotine, alors c'est une machine humanitaire. Parce que, pourquoi humanitaire? Eh bien, parce que, disons, sa visée est humanitaire, parce que elle ramène la souffrance à un degré zéro dans l'exécution de la peine capitale. Donc le condamné ne souffre plus, le spectateur n'est pas accablé dans son humanité par le spectacle des souffrances du condamné, et le bourreau lui-même devient un homme humain, c'est pas moi qui le dis, c'est un texte de l'époque, puisqu'il n'a plus à, comment dire, plonger sa main dans le sang de son semblable, il y a l'intermédiaire de la machine. Donc au départ, cette machine, qui est une invention de la médecine des Lumières, telle qu'elle est conçue par le XVIIIe siècle, eh bien elle est humanitaire. Comment se fait-il que, au moment où l'artisan qui la fabrique demande un brevet, on s'éclate, non, on ne peut pas faire. Nous n'en sommes pas encore à un tel excès de barbarie. Voilà. Si M. Schmidt a fait une invention utile dans le genre funeste, comme elle ne peut servir que pour l'exécution des jugements, c'est au gouvernement qu'il doit le proposer. Alors justement, là, on a l'idée déjà que ça va être une machine gouvernementale. Non, ça je ne pense pas. Je crois que cette formule, elle ne peut servir que pour l'exécution des jugements, c'est au gouvernement qu'il doit proposer le brevet. Eh bien, elle est encore à ce moment une machine sociale, ce qu'elle redeviendra ensuite au XIXe siècle. C'est-à-dire, c'est simplement une machine permettant de remplacer les supplices inhumains de l'Ancien Régime par une mort, comment dire, qui ne sera pas une boucherie, et qui évitera l'horreur des spectacles, des rituels d'Ancien Régime. Bon, C'est donc en fait à ce moment-là le gouvernement qui a à gérer la société dans un sens plus humanitaire. Ce n'est pas encore, c'est ce que j'ai appelé ensuite la machine gouvernementale, quand sous la terreur, eh bien, la guillotine deviendra effectivement une machine à gouvernement, comme le dit, je crois, Saint-Just. Hein, c'est-à-dire qu'elle devient un auxiliaire et un symbole d'une justice démocratique faite par un gouvernement révolutionnaire. Et à ce moment-là, elle change de nature et c'est là qu'elle deviendra l'image de la Révolution française. C'est quand la terreur, pendant en fait un an et demi, même pas d'ailleurs, hein, pendant quelques mois, va faire de la guillotine l'instrument dont se réclame une justice révolutionnaire. Le glaive de la justice révolutionnaire devient la guillotine. Alors la guillotine, c'était aussi une image. C'est pas seulement un instrument, mais le rectangle de guillotine, le triangle du couteau et le cercle de l'endroit où passe le condamné passe sa tête, eh bien dégage inévitablement une symbolique, et cette symbolique, elle va être catastrophique, bien sûr, pour l'image de la Révolution. Le nouveau mode d'exécution, monsieur, du supplice de la tête tranchée, attirera certainement une foule considérable à la grève. Et il est important de prendre des mesures pour qu'il ne se commette aucune dégradation à la machine. Je crois en conséquence nécessaire que vous ordonniez aux gendarmes qui seront présents à l'exécution de rester, après qu'elle aura eu lieu, en nombre suffisant sur la place et dans les issues, pour faciliter l'enlèvement de la machine et de l'échafaud. Roederer. Elle entre en action la première fois le 25 avril 1792 avec la décapitation de Nicolas-Jacques Pelletier. Voilà, Nicolas-Jacques Pelletier, c'est grâce à sa décapitation que son nom est resté dans l'histoire, mais il est bon de savoir pourquoi il était décapité, pour comprendre ce que c'était aussi que la justice d'Ancien Régime, enfin d'Ancien Régime, disons du XVIIIe siècle, puisqu'on était déjà là dans la Révolution. Eh bien, il est reconnu avoir, de complicité avec un inconnu, vers minuit, attaqué dans la rue Bourbon de Villeneuve, un particulier auquel ils ont donné plusieurs coups de bâton et de lui avoir volé un portefeuille dans lequel était la somme de 800 livres en assignats. On condamné à mort pour ce genre de crime en le 25 avril 1792. Bon. Il est donc le premier, effectivement, à inaugurer la machine en place de grève. Et ce qui est intéressant dans ce petit événement, c'est que le gouvernement, devant l'aspect sensationnel de cette nouvelle machine à décapiter, le gouvernement craint, dans le fond, qu'il y aura une affluence du public, très certainement, et il tient à préserver la machine. Donc, dès le début aussi, eh bien, on a là une sorte de conception pré-industrielle. Il faut préserver l'instrument de travail, si j'ose dire, hein, et le maintenir en bon état de marche pour le travail suivant. Dès le début, donc, on a bien l'idée que cette machine est intéressante dans la mesure où, avec le même instrument, on pourra, décapiter plusieurs fois de suite, et que donc, on a rentabilisé, souvenez, le système de production. Donc, le gouvernement tient à préserver l'instrument, craint dans son enthousiasme du public pour cette nouvelle machine. Or, ce qu'on constate le jour même, c'est que le public est déçu. Et il demande « Rendez-nous, rends-moi ma potence, rends-moi ma potence ». Il y a des chansons qui sont faites tout de suite. On regrette qu'on n'ait plus la potence. Et pourquoi le regrette-t-on? Parce que, on le verra par la suite, les textes le diront, dans le fond, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, parce que ça va tellement vite que, autant, bon, le condamné qu'on lit à la planche, on abaisse la planche, bon, là, il y a du spectacle, comme l'aimait bien le peuple d'Ancien Régime. Mais à partir du moment où le couteau est lâché, c'est tellement rapide qu'on ne voit rien, c'est la vitesse d'un clin d'œil, hein, comme l'avait prévu Guillotin, d'ailleurs. Et à ce moment-là, cette déficience du spectaculaire, eh bien, est d'abord une déception. C'est-à-dire, effectivement, la guillotine, du point de vue alors de ses promoteurs, va contribuer à changer les habitudes spectaculaires de la mort pour le peuple. C'est-à-dire le peuple, bientôt, au contraire, sera scandalisé quand la guillotine ne marche pas très vite. Hein, ça devient très compliqué. La guillotine va être aussi, enfin la machine à décapiter, va être un instrument contribuant, si j'ose dire, à humaniser les spectateurs de la mort. D'ailleurs, le fait que à partir du 21 août 92, c'est la première guillotinade politique, hein, celle de Louis-David Colneau d'Angremont, le gouvernement décide à partir du 23 août que l'échafaud restera en permanence. Et c'est peut-être justement cette image qui s'installe à jamais là dans la vie des Parisiens d'abord, qui fait que l'échafaud reste visible tout le temps. Alors, elle commence à marquer l'imaginaire parce qu'elle est là. Voilà, et c'est d'ailleurs effectivement à partir du mois d'août, le 21 août 92, que la guillotine, l'échafaud va rester, c'est à la suite des événements du mois d'août, tribunal pour juger les coupables, un certain nombre d'acquittements d'ailleurs, un certain nombre de condamnations, et on décide à ce moment-là de laisser d'abord de changer la guillotine de place, on la met plus place de grève, hein, mais cette guillotine-là va aller au lieu du crime, c'est-à-dire place du Carrousel, que le lieu du crime soit le théâtre de l'expiation, c'est la formule qu'on a à ce moment-là. Ensuite, on décide qu'après chaque exécution, il n'y en a plus tellement, je crois qu'il y a eu 14 exécutions. On décide que, eh bien, si le bourreau enlève le couteau, et le rentre pour protéger toujours le couteau, puis éviter les accidents aussi sans doute, on laissera en place par contre le portique même de la guillotine, l'échafaud et de la pièce de bois. Il est clair que c'est pour marquer la présence, le symbole de justice politique qui travaille pour le peuple. Et c'est à ce moment-là que les pays étrangers, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, commencent à faire des images, des représentations de la nouvelle machine à décapiter inaugurée à Paris. Donc la machine devient une image de la Révolution à partir du moment, bien sûr, où c'est une justice politique qu'il applique pour punir des crimes anti-révolutionnaires. Là, je crois qu'on est une articulation décisive dans le mois d'août 92 pour la transformation de l'image de la guillotine, aussi bien pour ses utilisateurs, elle devient l'instrument de justice politique et dont son portique et l'échafaud restent en permanence sur la place, même si en fait on ne guillotine pas tellement de gens à la fin du mois d'août 92, et pour l'étranger, elle devient le symbole d'une justice française qui est une justice non plus sociale mais politique. On a hier tranché la tête à deux fabricateurs de faux assignats. Le hasard a fait que je l'ai vu trancher à un. Le hasard ayant avancé l'exécution de 2 ou 3 heures et m'y ayant conduit au moment précis, sans que j'en fusse prévenu. Je ne crois pas que le temps d'arranger, d'attacher le patient et de l'exécuter ait tenu plus d'une minute. Et l'on n'en a pas mis davantage à le détacher et à l'enfermer avec l'autre qui venait d'expier son crime avant lui, dans un grand panier d'osier. De sorte qu'en moins de 2 minutes, tout disparaît. Adrien Joseph Colson. C'est un instrument simple, terriblement simple, qui fait appel aux 3 formes de base de toute géométrie et qui fait circuler un triangle à travers un rectangle pour qu'il coupe un cercle. Donc c'est les 3 formes de base de la géométrie auxquelles s'applique la loi de la gravité, loi universelle formulée par Newton. Et donc c'est un instrument extrêmement simple et surtout dont l'aspect, comment dire, à lui tout seul, terrifiant, c'est que cette machine simple, elle n'a qu'une seule fin, tuer. Et donc effectivement, c'est la réponse la plus froide et la plus neutre de la loi au crime. Et par là, elle dégage, cette neutralité fait qu'elle pourra servir et prendre des valeurs symboliques différentes les unes des autres selon la finalité de la loi. Selon que c'est une loi sociale ou une loi politique, bien sûr, la symbolique et la terreur de la guillotine changent d'aspect. Cette guillotine qui terrorise les adversaires de la Révolution en 93-94, bien la même rassurera les bourgeois du 19e siècle quand elle servira à décapiter des criminels en série. Député guillotin dans la médecine, par les experts et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, les amateurs de blason, les gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. À force de comploter, la horde mutine a gagné sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour. C'était Daniel Arras, au micro de Catherine Soulard, dans Les chemins de la connaissance, La guillotine, de la terreur à l'abolition, première partie, diffusée la première fois, le 18 juillet 1994, sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.